Leçon 2. Document 1, page 12. Bonjour, vous êtes Elisabeth, la nouvelle secrétaire ? Oui, bonjour. Je suis Estelle. Nous allons travailler ensemble. Madame Bernier, la chef de service, est absente ce matin. Sa fille s'est cassée le bras en tombant de son vélo. Voilà notre bureau. Oh, c'est clair. Oui, les locaux sont agréables et on peut apercevoir le parc en travaillant. Vous pouvez vous installer à ce bureau en face du mien et voici votre ordinateur. Très bien. Si vous avez besoin d'une lampe, vous la demanderez à Madame Bernier. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, en attendant Madame Bernier, vous pouvez classer les dossiers clients. Je pense qu'elle sera là cet après-midi. Elle vous expliquera le travail. C'est facile, ne vous inquiétez pas. Et puis, l'ambiance est bonne ici, les collègues sont sympathiques. Vous verrez, à 10h, on fera une pause et je vous présenterai tout le monde. On boira le café en discutant. Merci, c'est gentil. Ah, la standardiste est malade. Vous pourrez répondre au téléphone en classant les dossiers ? Bien sûr. Alors au travail ?